faux pas. Le pas, pas, pas, pas, le pas, le mot, le mauve, le mauvais pas, pas, pas, pas, le pas, le papa, le mauvais papa, le mauve, le pas, papa, passe, papa, passe, passe, passe, il passe, il pa, pa, il passe, le pas du pas du pape sur le pape du pas du passe, passe, passe, passe le sur le pas, le passi, passi, passi, pisser sur le pape, sur papa, sur le, sur la pipe du papa, du pape, pisser en masse, passe, passe, passe, passe, passe, la passe, la basse, passe, passe, passe, la passio, passio, basson, le bas, le pas, passio, le basson, et pas, le basso, do, pas, pas, passe, passio, passion do, ne do, ne domi, ne passi, ne dominez pas, ne dominez pas vos passions passives, ne dominez vos passions, vos passions, ne, do, do, vos domino d'or, c'est dommage, do, do, d'or, do, pa, pa, ne domi, pa, pa, passe, passio, vos pas, ne do, ne do, ne dominez pas, vos passes, passion, vos pas, vos pas dévorant, ne dominez pas vora, pas vora, ne dévorant, ne dominez pas vora, vos rations, vora ration, ne dominez pas vos passions, ration, vos ne dominez pas vos, ne vos ne do, do, do, minez, minez vos nations, mimez, do, minez, ne do, ne mi, pas, pavora, vos passionnantes rations de rats de papa, passe, passio, minez pas vos passions, vos rationnants ragouts de rats, dévorez-les, dominez pas cet avant-goût de ragout de pas, de passe, de passi, de pasigraphie, graphifi, graphifi, de fi, fifi, fena, fenakiki, fenakisti, coco, fenakisti, co, fifi, fofo, fifi, photo, do, domine, do, photo, mime, fifi, photo, micrographie, vos goûts, c'est pou, chorégraphique, fifi, de vos dégoûts, de vos dégâts, pas, pas ça, passio, passion de gars, coco, kistiko, gars, les dégâts, pas, pas, le pas, pas, passio, pas, passion, passion, passion est né, il est né de l'année gaga, de l'année ga, de la négation, passion ga, crache sur vos nations, cra de la neige, il est né, passion est né, il est né à la nage, à la rage, il est né à l'année, à la nécronage, cra rage, il est né de l'année, de la néga, néga ga, cra, crache de l'année, de la gapa, néga, négation, passion, passion est né, passion aime, je t'aime. Passion aime, t'aime, je t'aime. Je passion, j'aime. Passionné, aimer, émerger, aimer, je j'aime. Aimer, émerger, pas passi, passi, aimer, immersion, passion, passionné, et je t'aime, je t'aime. Passe, passio, oh, passio, passio, ma gacra, crache sur les rations, ma grande, ma grand, ma té, ma grand, ma grande, ma té, ma terrible passion, passionné, je t'ai, terrible passion, je t'aime, je t'aime, je t'ai, je t'aime, aime, aime, je t'aime, passionné, aime, je t'aime, passionné, je t'aime passionnément, aimante, je t'aime passionnément, je t'aime passionné, je t'aime passionné, je t'aime passionnément, je t'aime passionnément.